I had to shake myself to be sure I was standing there. From Banshee Bay up to Derry Kay, from Galway to Dublin town, and no maid I've seen like the sweet Colleen that I met in the county down. As she on with spit, I shook my head and I gazed with a feeling regret. And I said aye to a passerby who's a maid with a nut brown hair. He smiled at me and reprised to see she's a gem of Ireland's crown. She's a Rosie McGann from the banks of the bank. She's a star of the county down. From Banshee Bay to Derry Kay, and from Galway to Dublin town, a no maid I've seen like the sweet Colleen that I met in the county down. Began. And fair and square, surrender there to the heart of your Rosie McGann. At a hut to let and a tenor yet, and a meet in a shawl or gown. And in she went, and I asked no rent from the star of the county down. From Banshee Bay to Derry Kay, from Galway to Dublin town, no maid I've seen like the sweet Colleen that I met in the county down. At the crossroads fair, I'm surely there, and I'll be dressed in my Sunday clothes. And I try sheep's eyes, and the lunaring lies, and the heart of the nut brown rose. No pipe, no smoke, no house I yoke, through the rust my plough turns brown. Till I have my bride by my own fireside, she's a star of the county down. From Banshee Bay to Derry Kay, from Galway to Dublin town, no maid I've seen like the sweet Colleen that I met in the county down. From Banshee Bay up to Derry Kay, from Galway to Dublin town, no maid I've seen like the sweet Colleen that I met in the county down. Hello and welcome, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, c'est la Croisière Folk que vous écoutez. Une émission qui vous fait voyager, mais aussi qui vous fait découvrir toutes les facettes de la musique folk. On a démarré cette émission avec The Skylarks, Star of the County Down. C'est êtes un groupe qui aussi se produit sur ce bateau, un bateau qui se promène dans le nord de l'Angleterre, qui invite des artistes à chanter à l'intérieur. Et d'ailleurs, vous pouvez voir la vidéo sur la chaîne YouTube The Narrow Boat Session, ou alors vous pouvez aussi, on l'a posté sur notre page Facebook La Croisière Folk. Et donc, The Skylark, c'est Joe et Ava Richard qui forment un duo mère-fille. Ils sont originaires du Wirral sur la côte ouest de la Grande-Bretagne. Et puis récemment, elles ont attiré l'attention du public en participant à The Voice UK. Et on va poursuivre avec Linda Sussman et la chanson Hope, qui est une chanson folk en hommage à Kamala Harris. Kamala Harris, je vous le rappelle, elle sera peut-être un jour la première présidente des États-Unis. Elle est opposée à Donald Trump. Linda Sussman, eh bien, c'est une autrice, compositrice, interprète. Elle offre une musique qui fusionne un peu le folk américain, le folk alternatif et le blues, capturant ainsi l'essence de l'expérience humaine. Elle est souvent comparée à John Baez pour sa voix puissante. Elle impressionne aussi par son jeu de guitare mêlant accords ouverts et slide. Et on va poursuivre avec Maria Anderson, Waltzing Matilda, qui est une des chansons folk australiennes les plus connues. Cette air est si célèbre en Australie qu'il a même été suggéré comme hymne national. Et souvent d'ailleurs, il est reconnu comme tel par ceux qui ne sont pas australiens. Il n'en a pas le statut, mais reste un des chants patriotiques les plus populaires. Et on va rester en Australie avec Emily Soon et Claire Suckley, Good Thing Will Come. Bienvenue, c'est la Croisière Folk. C'est une programmation 100% féminine, comme nous le faisons d'ailleurs deux fois par mois. Et ça vous plaît, hein, puisque vous en redemandez. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. Space when I needed air, you took my hand and you walked me over rubble and despair. You gave me hope when all my hope had died. Now we're walking on the road together, side by side. A lie is a lie is a lie. Thank you.

There are reasons to be and reasons to go. I'm gonna tell myself that good things will come. Good things will come. Good things will come. Good things will come. Couldn't get to sleep, memories uncut. How the time's passed and all the people I loved. Live the same amount of minutes as I have to. Flowers grew overwhelmingly without you. But now you've come back to the paddock. Walks through a gate that I thought I'd shut. Hombre Mountains call. Silver lining to the storm. And good things will come. Good things will come. Good things will come. À l'instant, Emily Soon éclaire ce clé avec Good Things Will Come. Et tout de suite, voici 1, 2, 3. 1, 2, 3. Par hasard d'atterrir, que vos oreilles viennent d'atterrir dans cette émission La Croisière Folk, vous vous demandez ce que c'est un 2-3. Eh bien, c'est la partie de l'émission où en trois morceaux, on vous fait découvrir un album. Et aujourd'hui, c'est le groupe Galant, Tu perds ton temps. Et l'album de 2016, Nous irons danser. Alors, c'est un quintet de musique traditionnelle québécoise chanté a cappella. Ils ont été fondés en 2003 et le groupe tire son nom d'un vers récurrent dans plusieurs chansons traditionnelle québécoise. Il est formé de 5 personnes, ce groupe, c'est un quintet normal. Il a publié ses deux premiers albums « Fais-toi pas d'illusions » en 2004 et le CD « Double galant, tu perds ton temps » 2 en 2009. Après lesquels, Patricia Beausoleil cède sa place à Isabelle Payette. Ensuite, l'album sort « Soyez heureux » en 2013, alors que les trois premiers albums sont en fait le fruit de recherches aux archives de folklore et d'ethnologie de l'Université Laval et dans divers cahiers de chansons. Le groupe se charge de reprendre diverses chansons à protagonistes féminins ayant été interprétées par des hommes depuis les années 70, les années 70. Pour ce disque, donc, nous irons danser et on va écouter trois morceaux au bord de la fontaine pendant que nous faisions l'amour et les vagues du Saint-Laurent. J'espère que ça vous plaît. Si jamais vous avez envie, eh bien, nous avons une page Facebook. N'hésitez pas à la liker. La page s'appelle La Croisière Folk. Et si vous êtes un artiste et que vous souhaitez nous suggérer votre album, eh bien, on a une adresse mail, une adresse très folk, lacroisièrefolk en un mot, @yahoo.com.

as pris. J'ai pris mon drap et le secoui. J'ai trouvé mon mari rôti. Délurée, lola, la fille à mesdames délurée. Dilam, dilam, dilam, dilam, dilam, dilam, dilam, dilida. Dilida, dilida. Dillidam, tellida, tella dilla dillidam, tellideam, tideam, tem ta dilla dilla dillidam. J'ai pris un plat, je l'y mettis, le chapassi et l'emportis. Ah, si jamais je me remarie, j'en prendrai un petit pied et demi. Déluré l'an là, la fille à mesdames, la fille à mesdames déluré. Tellida, tella dilla dillidam. Tellida, tella dilla dillidam. Tellideam, tideam, tem ta dilla dilla dillidam. Tellida, tella dilla dillidam. Tellida, tella dilla dillidam. Tellideam, tideam, tem ta dilla dilla dillidam. Et voilà un album de plus que je vous fais découvrir dans cette émission. La Croisière Folk, c'est Galant, tu perds ton temps avec Nous irons danser. On a écouté trois chansons, Au bord de la fontaine, Pendant que nous faisions l'amour et Les vagues du Saint-Laurent. On va passer à la poésie maintenant, puisque vous le savez, depuis le début de l'émission, on publie parfois des fables, parfois des poésies. Mais comme on est en 2024, c'est le 125e anniversaire de la naissance de Maurice Carême, ce poète belge qui a vécu à Wavre et qui est enterré dans le même cimetière d'ailleurs que Sœur Sourire. Et je vous diffuse certains de ses poèmes qui sont lus d'ailleurs par l'auteur. Et aujourd'hui, c'est le poème « Souviens-toi ». Alors, « Souviens-toi », c'est un exemple parfait du style de Maurice Carême. Il parvient à évoquer des thèmes universels comme le souvenir, l'amour et le passage du temps. Le poème, eh bien, se lit ou s'écoute comme une exhortation douce à ne pas oublier les moments précieux et les sentiments qui ont marqué la vie, comme les sentiments que vous ressentez. Vous savez, ce sentiment fort de bonheur et de plaisir que vous ressentez quand vous écoutez La Croisière Folk. Maurice Carême, d'ailleurs, utilise souvent des images naturelles et des motifs du quotidien pour ancrer ses thèmes dans une réalité tangible. Ce poème, Souviens-toi, fait partie de son recueil La Lanterne Magique, publié en 1947. C'est un recueil qui contient plusieurs poèmes dans lesquels Maurice Carême explore des thèmes liés à l'enfance, aux souvenirs et à la nature, tout en conservant sa caractéristique, donc sa simplicité et sa musicalité poétique. En somme, eh bien, Souviens-toi est une œuvre qui, tout en étant simple, résonne profondément avec les auditeurs et les lecteurs, bien sûr, en évoquant des sentiments et des souvenirs universels caractéristiques du style unique de Maurice Carême. Et juste après, il y aura Carla Bruni avec Afternoon, extrait de l'album No Promises en 2007 du folk espagnol avec Carmento, la Loca del Pueblo et Scottish Fish, Farewell. Je vous le rappelle aujourd'hui, comme on le fait deux fois par mois, la programmation est 100% féminine. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Souviens-toi. Souviens-toi. Tu avais 15 ans. Tu voulais devenir poète. Tu étais fou. Tu étais bête. Tu disais, la lune est un pan. Ne trouvant pas d'assez beaux mots pour faire chanter les lilas, tu jouais de l'harmonica sous un érable au bord de l'eau. Tu t'asseyais dans un verger et seul, au milieu du dimanche, tu regardais entre les branches monter l'étoile du berger. Et tu étais si amoureux de toutes, sans oser le dire, que tu n'avais pas assez d'yeux pour boire leur joli sourire. Tu avais 15 ans, souviens-toi, tu voulais devenir poète. Tu étais fou, tu étais bête. Tu écrivais « Mon cœur est roi » et tu te murmurais tes vers sous la pluie avec tant de joie que tu tenais comme un pivert l'univers serré contre toi. When I'm old and comforted and done with this desire, with memory to share my bed. When I'm old and comforted and done with this desire, with peace to share my fire, I'll comb my hair in scallops beneath my laundered can, and watch my cool and fragile hands lie light upon my lamp. And I will have a spread camp with lace to kiss my throat. I'll draw my curtain to the town and hum a purring note, and I'll forget the way of tears and rock and stir my tea. But oh, I wish those blessed years were further than they be. And I will have a spring gown with lace to kiss my throat. I'll draw my curtain to the town and hum a purring note. When I'm old and comforted and done with this design, with memory to share my bed. When I'm old and comforted and done with this design, with peace to share my fun. With peace to share my La Croisière Folk, c'est votre billet pour explorer le meilleur des artistes folk féminins d'hier et d'aujourd'hui. Pour les femmes, t'es chouette, les filles du bord de mer. La femme est l'avenir de l'homme. La loca del pueblo está en la plaza. Le ha dado por la música y la desnudé. Y cuando le dice venga pa' la casa, se pone muy triste y canta otra vez. Y tranquila, sube el volumen del casco, te mira retando y se gira. Se hace la tonta en la cuerda y algunos se creen que delira. Ya está muy lejos de aquí, la han sacado a bailar. Y aceptado, baila en un escenario con luces, público y sin candado. Tiene un contrato de dale hasta romper la pista y nos vamos. Llega la parte del subidón y canta otra vez. Me entra más sed de ti, me entra más sed de ti cuando bebo de otra fuente. Y en su mundo entra quien sabe arbolar con cariño y sin pena en su nido. Se peina, se pone el maquillaje y luce el vestido de brillo. Se sonroja y sonríe si la gritan guapa. Y un secreto, ya prepara el ramillete y los pétalos en la cesta. Alguien la escuchó gustosa temblar de placer tras la puerta. Sale contenta a la calle y vuelve a sonar. mon âme. Même t'es ma sœur de ti. La voz amable se arrumaca en su eco. Venga, nenas, tarde, vamos pa' la casa. Thank you. Bienvenue dans la Minute Astuce, votre cocktail d'ingéniosité pour pimenter votre vie. Dans chaque chronique, on vous livre les secrets malins pour simplifier votre quotidien et rendre chaque journée un peu plus douce. Que ce soit en cuisine, en bricolage, en santé ou même en beauté, la Minute Astuce vous offre les clés pour dompter tous les défis du quotidien. Alors, accrochez-vous pour une minute ou deux et découvrez comment devenir le roi ou la reine de la vie pratique avec nos astuces éclairs. Prêt pour un coup de génie? C'est parti pour une minute ou deux d'astuces qui révolutionneront votre quotidien. Dans cette minute astuce, eh bien, on va vous dire comment éliminer une tache de chocolat sur un vêtement. Alors, avoir un faible pour le chocolat, ce n'est absolument pas interdit. Il vaut toutefois mieux ne pas se faire de taches de chocolat sur ses vêtements. Au cas où ça vous arriverait quand même, il faut éponger ou gratter la tache, puis la frotter avec un tissu propre imbibé d'eau savonneuse, soit du liquide vaisselle ou du savon en brique. La tache devrait partir ensuite au lavage à la machine. Alors si elle vous résiste, parce qu'elles sont comme ça les taches de chocolat, ça résiste, eh bien vous appliquez au chiffon de l'eau additionnée d'ammoniac. Une cuillère à soupe dans un verre d'eau. Alors si elle résiste toujours, qu'elle n'est toujours pas éliminée, vous mélangez avec de l'eau, mélangez avec un moitié vinaigre blanc, moitié eau, et théoriquement là ça devrait partir. Sinon, il ne vous reste plus qu'à acheter une nouvelle chemise. Allez, on poursuit en musique dans cette croisière folk avec Lorena McKennitt et Greystone et Azilis Manro avec une petite valse bretonne. La croisière folk. Good vibrations. Thank you. ardoises d'îlots à fleur de peau. Glisse ta main dans ma main au reflet de tes eaux. Vont s'en vont nos chemins à la rue des Et voilà, c'est ici que se termine cette émission. On va la clôturer avec une nouveauté. Elle s'appelle Sophia Duhem et sa nouvelle chanson, c'est Arboretum. Après une très belle réception du premier titre, Le ciel pleurera, de son premier album, Sophia Duhem est de retour avec la chanson Arboretum. La finaliste et choix du public au Festival international de la chanson de Granby revient avec une chanson folk tout en force et en douceur. L'autrice, compositrice, interprète propose une douce mélodie aux sonorités nostalgiques pour offrir un moment de confort et de repos. Une chanson idéale pour cette croisière folk. Merci de votre fidélité, merci de nous avoir suivis. Je rappelle, vous pouvez liker notre page Facebook qui s'appelle La Croisière Folk. Il y a plein de vidéos à regarder. Et puis si vous avez envie de nous écrire, vous pouvez passer par la page Facebook ou alors vous pouvez aussi nous envoyer un petit mot lacroisièrefolk@yahoo.com. Allez, sur ce, je vous quitte. On va bientôt fêter notre 5e anniversaire, au fait. Je dis ça et je dis rien. Que la force soit avec vous et avec tous les autres. Et rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. I'll be back. Vous avez dodeliné de votre grosse tête dans une intention inavouable. D'abord, cher ami, je n'ai pas une grosse tête. Ensuite, je n'ai pas dodeliné. Je suis une aventure. La croisière folle. May the force be with you. Je me suis baignée là où personne n'a pu regarder. L'eau était claire, elle était tranquille. Sur la rivière, j'étais immobile. Puis d'un coup, j'ai coulé. Je ne peux plus respirer. Puis dans mon je me suis réveillée. Paradis inexploré, ma seule présence l'a pollué. Mais je donnerai tout pour y retourner. Dans une nuit, j'ai pu embrasser. pleureurs ont eu pitié d'un pauvre cœur déchiré, puis en douceur l'ont recollé. Puis d'un coup je suis tombée, mes mains, mes jambes enracinées. Puis dans mon lit, je me suis réveillée. Seule présence l'a polluée, mais je donnerai tout pour y retourner. Ce jardin a pu remplacer tes mains. Le temps d'une nuit, j'ai pu embrasser l'oubli. J'ai perdu mon...